Bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie je voudrais à chanter avec toi. On l'a chanté dans les rues, sous des ciels inconnus, et dans toute la France. On la croyait oubliée, et pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mou. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Ah oui. Fantastique. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi. Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi.